galère par contre pour le buter les Fortman. Proche-toi du micro. pas trop, parce que faut pas le toucher. T'as pas compris. James, sois pas vénère. Ce n'est qu'un jeu, mon petit pépère. Oui. James, sois pas qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu, mon petit pépère. James, même si tu t'y mets depuis une. James, ce n'est qu'un jeu. James, même si ça fait des années que tu t'y connais. James, t'es pas doué, faut l'avouer. Ouais, j'ai battu au pétard. James, ne sois pas vénère. Ce n'est qu'un jeu. James, ne sois pas vénère. Ce n'est qu'un jeu.